La conspiration des milliardaires, par Gustave Le Rouge, tome 3e, chapitre 1er, le mariage d'une milliardaire. Crois-tu que je puisse jamais accepter pour toi un tel mariage? S'écria William Bolton en abattant son poing fermé sur la table du salon dans lequel il prenait le thé avec sa fille, Miss Aurora. Un Européen? Continua-t-il. Et le pire de tous, l'espion de Mercury Spark? Voilà l'homme que tu veux épouser? Tes prétentions ne sont pas trop insensées. Je crois avoir assez fait vraiment pour ce cornal en lui sauvant la vie, en lui rendant la liberté, alors que je pouvais le faire exécuter sommairement. Cette folie me coûtera cher, sans doute, mais je trouve que cela suffit. Un silence glacial suivit les paroles du milliardaire Yankee. Miss Aurora ne semblait pas disposée à répondre. Affaissée, plutôt qu'assise, dans un fauteuil de velours incarnadin, elle réfléchissait. Un pli dur barrait son front. Un frémissement de ses narines indiquait son trouble intérieur. Quelques minutes se passèrent. William Bolton s'est élevé, arpentait maintenant le salon avec des gestes saccadés. « Vous savez bien, mon père, prononça enfin la jeune fille, que M. Coronel m'a fait la promesse de ne jamais dévoiler à personne le secret de l'existence de Mercury Spark et de Skytown. »« C'est bien heureux, » murmura ironiquement le Yankee, « et c'est en reconnaissance de cette bonne action que tu veux l'épouser ?» Vous êtes cruel, mon père, pour des sentiments que vous ne comprenez pas. J'aime Olivier Coronel, mon amour est partagé, c'est le seul motif qui me pousse à devenir sa femme. Ah, fit Bolton amèrement, j'espérais mieux de toi. J'aurais attendu, ainsi que je te l'ai répété bien des fois, autre chose de l'éducation que je t'ai donnée. Je te croyais plus pratique. Il paraît que les belles paroles de ce Français, de cet espion, devrais-je dire, t'ont fait oublier les sages préceptes que tu as suivis jusqu'à présent. Des phrases que tout cela, je les connais par cœur, l'amour de l'humanité. Est-ce que ça existe dans la vie? Est-ce avec cela qu'on gagne des millions comme je le fais, moi? Tu devrais le comprendre, Aurora, insista-t-il, en s'animant de nouveau. Et ne pas m'infliger l'humiliation de t'entendre parler de mariage avec un Européen. Moi qui ai passé ma vie à combattre les barbares d'Europe, qui sur la veille de démolir leur édifice social, de leur imposer la loi du plus fort, crois-tu donc que je ne t'en veuille pas de me tenir un pareil langage? Ce n'est pas en vain que j'ai depuis 2 ans dépensé plus de 100 millions de dollars à bâtir Mercury Spark et Skytown, à créer, avec l'aide de l'ingénieur Hattison, les plus formidables arsenaux du monde entier. Voyons, Aurora, cette entreprise ne t'enthousiasme donc plus? Où sont tes beaux mouvements d'autrefois? Tu te décourages alors que notre œuvre est presque terminée. Dans quelques mois, peut-être, nous mettrons entre les mains du gouvernement américain les moyens de destruction les plus foudroyants, les engins les plus terribles que la science humaine ait jamais créés. Une armée d'automates invincibles sera prête à se mettre en marche, à terroriser les ennemis, à les décimer sans merci et sans risque. Nos bateaux sous-marins, au premier signal, pourront détruire des flottes entières avant que les équipages ennemis aient eu même le temps de se préparer à la défense. Par la voix des journaux, nous entraînerons l'opinion publique. Le peuple américain tout entier sera avec nous. Nous aurons notre guerre. C'en sera fait de l'orgueilleuse Europe. Les États de l'Union prendront la première place parmi les nations. Le milliardaire avait parlé par phrases entrecoupées. D'une voix dont il essayait de modérer les éclats, il reprit. Mes fabriques de conserve, déjà aussi vastes qu'une ville, s'agrandiront encore. Lorsque nous aurons imposé nos tarifs commerciaux, je doublerai ma fortune. Je la décuplerai si je veux. Mais à quoi bon, si tes actes sont en désaccord avec les miens? S'il me faut voir passer mon or entre les mains d'un Européen, d'un homme qui est mon ennemi, qui devrait être le tien, cela, non, jamais. Vous êtes le maître de votre fortune, fit Aurora en se levant à son tour. Vous admettrez bien que je sois libre de mes actions et de ma personne? La loi ne vous donne pas le droit d'empêcher mon union. Ma décision est prise. Je vais vous quitter. Ne m'avez-vous pas enseigné vous-même à considérer l'énergie comme la première des qualités? Comment? Tu vas me quitter? S'écria William Bolton, le cœur serré d'une angoisse. C'est vous qui l'aurez voulu. Je ne vois pas d'autre solution, fit-elle avec un calme glacial. J'épouserai Olivier Coronel. Ce n'est pas pour mes millions qu'il m'aime. J'ai dû lui promettre que son traitement seul nous servirait à vivre. Chez l'ingénieur Strauss, dans l'usine duquel il vient de rentrer de nouveau, il gagne environ 300 dollars par mois. Nous nous installerons dans une modeste maisonnette. Voyons, ce n'est pas sérieux, interrompit Bolton avec un gros rire qui dissimulait mal son inquiétude. $300 par mois. Rien que pour tes toilettes, tu en dépensais 7 ou 8 fois plus au bas mot. J'en conviens. C'est qu'aussi vous m'avez habitué à l'idée que rien n'était trop beau ni trop cher, du moment que cela me ferait plaisir. Vous me répétiez sans cesse que vous n'aviez qu'un but, assurer mon bonheur. J'aurais expérimenté la valeur de votre affection en dollars. Je vais donner l'ordre de préparer mes malles, d'empacter les objets qui m'appartiennent. Nous allons nous séparer. Le visage du milliardaire s'était tout à fait décomposé. Ses mains étaient agitées d'un tremblement nerveux. La jeune fille se dirigeait vers la porte du salon. Il la rejoignit, la prit dans ses bras robustes, la porta comme un enfant. « Tu veux donc me faire mourir ? » gronda-t-il. « Nous séparer ? Tu sais bien que je ne pourrais vivre loin de toi. » Il l'avait déposée sur un grand sofa, l'entourait de ses bras, la berçait, couvrait son front de baisers. « Aussi est-ce raisonnable ? » fit-il en adoucissant sa voix. « Que diront de ce mariage Hattison et les autres ? Je passerai pour n'avoir aucune volonté, pour être un mauvais Yankee, une girouette. Que vous importe l'opinion de ces gens ? Avez-vous besoin d'eux ? N'êtes-vous pas assez riche pour pouvoir donner à votre fille l'époux qu'elle a choisi ?» M. William Bolton ne répondit pas tout de suite. Il était désarmé. Perdre sa fille, son idole, la seule créature qu'il aima. « Fais donc selon ta volonté, » finit-il par dire à mi-voix. « La moitié de ma fortune me coûterait moins à donner qu'un pareil consentement. » Le milliardaire sortit en faisant claquer la porte et fut enfermé dans son cabinet de travail. Resté seul, Aurora ouvrit un petit secrétaire en bois des îles et griffonna quelques lignes qu'elle mit sous une enveloppe à l'adresse d'Olivier Coronal. « Portez cela tout de suite, » commanda-t-elle à un lade qui était accouru à son coup de timbre. Elle vint ensuite s'accouder à une des fenêtres du salon donnant sur la 7e avenue. « Comme je l'aime, » murmura-t-elle, « comme je vais être heureuse. » Un mois après, le mariage d'Olivier, l'inventeur français de la torpille terrestre, et de Miss Aurora Bolton avait lieu, sans aucune pompe, dans la plus stricte intimité. Il était inutile d'exciter la curiosité des Américains. Les deux jeunes gens s'étaient trouvés d'accord sur ce point. Quant à William Bolton, il maugréait. « Moi qui comptais organiser une cérémonie comme on n'en aurait jamais vu et dont on aurait parlé dans toute l'Union. » Il ne disait pas toute sa pensée. Mais son air bourru, les regards méprisants qu'il jetait sur le modeste attelage qui les avait amenés devant le magistrat, indiquait assez son mécontentement. « Cela ne signifie rien, père, » disait Aurora. « Je suis très heureuse. » La jeune milliardaire avait revêtu une robe de soie blanche garnie de dentelles. Grande, svelte, la masse de ses cheveux blonds dorés encadrant son visage d'un ovale parfait, ses grands yeux limpides éclairés par une joie intense, elle était vraiment belle, au bras d'Olivier Coronal, grand aussi et bien découplé. Dans son habit d'une élégance sobre et discrète, le regard énergique, l'attitude calme et sérieuse. Aurora avait eu raison en disant à son père que le jeune Français ne l'épousait pas pour ses millions. Un amour sincère emplissait le cœur des deux jeunes gens. Ils s'abandonnaient à la joie d'aimer, se grisaient d'illusions. C'était toute leur jeunesse à laquelle ils donnaient libre cours. Aurora surtout se laissait aller à la violence de sa nature volontaire et indisciplinée. Lorsque ses regards se croisaient avec ceux d'Olivier, une flamme comme sauvage, un éclair métallique, les illuminait. C'était au charme étrange de ses regards que, dès le premier jour qu'il avait vu la jeune fille, s'était trouvé pris l'inventeur. La froide et mesquine cérémonie du mariage terminée, tout le monde avait regagné l'hôtel Bolton, où à lunch attendaient les nouveaux époux et leurs témoins, parmi lesquels l'ingénieur Strauss. Le repas fut morne. Chacun se trouvait gêné. L'ingénieur Strauss lui-même, doux vieillard affable et souriant, ne réussit pas à dérider les visages soucieux des convives. Le maître de la maison, William Bolton, donnait du reste l'exemple de la morosité. De temps à autre, il lançait, sur celui qui depuis quelques instants était son gendre, des regards de colère et de haine. Les deux hommes étaient mal à l'aise en présence l'un de l'autre. La scène violente de Mercury Park n'était pas encore effacée de leur mémoire. Ils avaient hâte de se séparer. De race, d'opinion, ils étaient trop différents pour pouvoir s'entendre, s'accoutumer l'un à l'autre. Malgré toute sa diplomatie et son instinct féminin, Aurora n'était pas entre eux un trait d'union suffisant. Le lunch ne se prolongea pas. Les deux époux se retirèrent. Le milliardaire, malgré tout, avait mis son poids d'honneur à fournir à sa fille une dot somptueuse. Et ça avait été un sujet de discussion entre Olivier Coronal et William Bolton, dans la seule entrevue qu'ils avaient eue relativement au mariage. Tous deux, au cours de cette entrevue, s'étaient bornés à parler d'affaires. Aucune autre question n'avait été soulevée. « Ma fille aime le luxe », avait dit brutalement le milliardaire. « Elle est habituée à dépenser sans compter. Ce n'est pas avec vos $300 mensuels qu'elle pourra le faire. J'exige absolument qu'elle accepte la dotation de 50 millions que je lui fais. Au surplus, ma bourse lui sera toujours ouverte. » Il n'avait pas voulu en démordre. Après une longue discussion, Olivier Cournal avait dû céder. Aurora lui en était reconnaissante. Pendant le mois qui avait précédé le mariage, la jeune fille avait dépensé une activité incroyable. Sur la 7e avenue, presque en face du luxueux palais de son père, elle avait fait construire un petit hôtel d'après les indications de son fiancé. Tout d'abord, Olivier s'était insurgé contre le goût déplorable des constructions américaines, contre cet excès qui consiste à surcharger les plafonds et les boiseries de dorures. Il avait réclamé plus de discrétion et plus d'art. Aurora, hélas, semblable en cela à la plupart de ses compatriotes, n'avait aucun sens artistique. Pourvu qu'un objet ou un meuble coûtât cher, fût voyant, attirât l'attention, elle le trouvait à son goût. Cette science qui consiste à meubler un appartement en établissant une harmonie entre les couleurs des étoffes, des tentures, lui était inconnue. Malgré tout cela, elle eut vite conscience de son infériorité sur ce point. Après quelques révoltes, elle se laissa guider, en tout, par Olivier. Cependant, elle n'avait pu cacher l'étonnement que lui causait la manière dont le jeune Français comprenait les choses de la vie. « Il y a une façon intelligente de dépenser l'argent, » lui disait-il en la grondant amicalement de ses achats inconsidérés. « La beauté d'un objet n'est pas dans le prix qu'il coûte. La simplicité est encore ce qu'il y a de préférable. » En moins de 2 mois, le petit hôtel avait été terminé. On y avait travaillé nuit et jour. Les tapissiers se mirent ensuite à l'œuvre. Toujours d'après les conseils d'Olivier Coronal, le mobilier des chambres à coucher fut de laque blanche. « C'est bien plus joli, » disait le jeune homme, « que tous ces meubles incrustés d'or et même de pierres précieuses dont vous avez le goût ici. » Pendant une semaine, ils avaient couru ensemble les magasins de Chicago, heureux d'être libres, de discuter l'organisation de leur home, de prévoir les 1000 petites choses indispensables qui concourent au charme et au confortable d'un intérieur. Le jeune homme avait glané, chez quelques antiquaires, une collection d'art dont il orna le salon. « Regarde donc, Aurora, » s'écriait-il, en posant une coupe de vieux sacs sur une console. « Avec quelques fleurs, ne sera-ce pas charmant ?» Une autre fois, ce fut un service entier en vieux Sèvres qu'il découvrit. « C'est une famille française qui me l'a vendu, » lui dit le marchand. Les précieuses porcelaines furent mises à la place d'honneur dans la salle à manger. Aurora avait manifesté à son père le désir d'avoir une galerie de tableaux. « Choisis ici ceux qui te plairont, » lui avait dit son père. « Mais laisse-moi l'apothéose de l'Amérique, c'est le seul auquel je tienne. » Cette apothéose était une vaste composition mesurant au moins 4 mètres de hauteur. En costume de vestale, l'Amérique, symbolisée par une jeune femme un peu forte, tenait les rênes d'un char qui avait la prétention de représenter, toujours symboliquement, la marche en avant du progrès. La fortune sur sa roue, la gloire embouchant une trompette, lui faisait cortège. Le tout de couleur criarde et dessiné avec une désinvolture toute américaine. William Boltin n'aurait cependant pas donné cette toile pour le plus beau tableau de Raphaël. Un jour donc, Aurora avait prié son fiancé de l'accompagner pour faire son choix. Il y avait là des Téniers, des Van Dyck, des Greuze, des Nicolas Poussin, à côté de Corrège, de Primatis, de Véronèse et même d'un Léonard de Vinci. Tant de noms illustres rassemblés là côte à côte, cela avait bien un peu excité la méfiance d'Olivier Coronal. Ce fut bien autre chose lorsqu'il eut examiné d'un peu près les tableaux que William Boltin avait uniformément dotés de cadres en aluminium doré. Les Van Dyck, les Véronèse et autres étaient simplement de mauvaises copies, des croûtes, comme on dit en jargon d'atelier, exécuté probablement par des élèves de la rue de Seine ou de la rue des Beaux-Arts, et que des industriels peu scrupuleux avaient baptisé chefs-d'œuvre authentiques pour les exporter en Amérique. Olivier en avait ri de bon cœur aux dépens de la crédulité du milliardaire. Il s'était contenté de décorer très simplement les appartements de leur hôtel avec des eaux-fortes modernes. Au rez-de-chaussée, il s'était installé un cabinet de travail et un petit laboratoire dont les fenêtres donnaient sur un jardin couvert entourant la maison d'une ceinture verdoyante. Il continuerait là ses travaux pour l'ingénieur Strauss, en même temps qu'il se livrerait à ses recherches personnelles. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans le logis souriant et parfumé, Olivier et Aurora se contemplèrent fervemment. ils allaient être, l'un à l'autre, unis pour l'existence. Des paroles d'amour leur montaient aux lèvres. « Aurora !» prononça le jeune homme, en posant un tendre baiser sur le front de celle qu'il pouvait appeler maintenant sa femme. « Olivier !» fit-elle, la voix tremblante d'émotion, ses grands yeux pères rayonnant de bonheur. Ils restèrent de longues minutes sans parler. Mais dans le regard dont ils s'enveloppaient mutuellement, il y avait toute la profondeur de leur amour. Ils ne doutaient plus alors de l'avenir. La route à parcourir leur semblait belle, puisqu'ils allaient y marcher côte à côte, la main dans la main. Pendant ce temps, dans son cabinet de travail, William Boltin, le père de la jeune épouse d'Olivier Coronal, donnait libre cours à sa mauvaise humeur et prononçait contre l'Europe et les Européens les plus redoutables menaces.